couleur en concert sur RQC. Eh bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusqu'à 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Aujourd'hui au programme, je vais vous parler d'un live et pas n'importe lequel, il s'agit du groupe Archive, extrait de l'album Live at the Zénith, enregistré le 20 janvier 2007 à Paris. Alors, qui est Archive? Archive est un collectif britannique de musique à l'effectif changeante, formé autour de Darius Keller et Danny Griffith. Leur style emprunte des éléments aussi bien au rock qu'à l'électro et au trip-hop. A évolué au fil des albums. Vous allez en découvrir quelques extraits aujourd'hui, car les titres sont assez longs. On va essayer de faire un maximum pour vous faire plaisir musicalement et aussi vous apprendre peut-être des choses que vous ne connaîtriez peut-être pas sur ce groupe. Enfin, on va faire de notre mieux. Alors, moi, juste pour vous dire comme ça que le tour manager de cette tournée, c'est Alex Baikov. Le moniteur enregistrement, donc, c'est Glenn Pearson. À la programmation, pourquoi la programmation? Parce que vous allez entendre des titres où c'est pas possible. Il faut programmer certains titres pendant le live pour pouvoir les resampler. C'est Mickey Lose Bird. Au light, c'est Falco Das Kupa. Au backline, c'est Mark Vicker et Murray Mitchell. Au studio mobile, c'est le studio mobile Le Voyageur 2. Ça a été enregistré par René Wies, associé avec Jérôme Blondel, mixé par Jérôme Devoise et produit par Jérôme Devoise aussi. Donc le mastering a été lui effectué par Kevin McKellift et le Soundmaster. Voilà. On va commencer avec un titre assez long. Mais c'est un titre que j'affectionne très très fort. D'ailleurs, il est déjà en fond musical ici. C'est le titre Light. Donc, c'est l'ouverture du live. Il existe deux versions de ce live. Une version live CD, tout simple. Un CD avec 13 titres. Ou aussi, vous avez le CD et le DVD. C'est sorti chez Warner Music. Donc, le DVD où il parle de la tournée pendant 32 minutes. Après, il existe bien entendu le DVD simple où vous pouvez revoir tout ce live. Allez, c'est parti avec The Light. Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Voilà, premier extrait de Archive Live at the Zenith, enregistré donc au mois de janvier 2007. Il s'agissait tout simplement du titre Light. Je suis fou de ce groupe. Musicalement, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Là, maintenant, on va vous parler un petit peu de leur style musical, l'influence musicale, parce que c'est un peu complexe quand même quand on entend tout le son qu'il y a derrière. Eh bien, je vais vous un peu vous parler de tout cela. Alors, leur style musical qu'emprunte Archive est né avec le trip-hop sur les deux premiers albums. Désormais, le groupe propose une musique touchante au trip-hop, mais en fusion avec l'électro et au progressif et au rock même et à l'ambiance. On peut même considérer qu'il y a un peu de musique ambiante. Donc Keller et Griffith viennent terminer la ligne musicale complexe d'Archive avec les synthétiseurs et les samples. Il existe plusieurs interviews dans lesquelles certains membres du groupe, dont Darius Keller, déclarent considérer leur musique comme étant du rock progressif, notamment dans leur manière de composer, mélange de genres, complexité musicale, musical, éléments mélodiques, longues parties instrumentales, etc. La majorité des groupes de ce genre possède une sonorité propre, complexe et dure à définir. Il est donc possible de faire une affiliation avec Archive. On peut ainsi faire le rapprochement avec Pink Floyd, dont l'esprit au moins de Pink Floyd, cela veut pour la longueur de certains morceaux, What's Again, Line, Find It's So Hard, Control, Crowd, Calling ou bien d'autres, qui dépasse les 9 minutes, ou le sonar de Seamless qui n'est pas sans rappeler celui du titre Echo qui clôt leur album Middle, ainsi qu'un certain pessimisme dans les textes. Voilà, ça c'était pour le style musical d'Archive. On va continuer la programmation musicale avec le titre Vain de cet album qui est extraordinaire. Donc je vous conseille, si Archive passe dans votre région, allez les voir, ça vaut le détour les amis. En couleur, en concert sur RQC. Deuxième titre de ce live avec le titre Vain, c'était le groupe Archive. Alors, les origines d'Archive, eh ben, c'est un groupe londonien. Londonien, ils nous viennent du rock progressif, ils font de la musique rock progressif, trip-hop et électro, comme je l'ai dit. Ils sont en exercice depuis 1994 et ils sont chez Warner Music. Le groupe, quand je vous ai dit que le groupe était souvent changeant, mais il y a toujours des piliers. Il y a donc Danny Griffith, Darius Keillor, Dave Penn, Polar Berrier, Steve Harris, pas le bassiste de Maiden, Smiley, Jonathan Noyce, Maria Q et Holly Martin. Il y a eu des anciens membres, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Alors, l'histoire de ce groupe. Ben, le premier album, Londonium, sort en 1996 chez Islands Records, label de Polygram, qui est aujourd'hui Universal Music, avec la chanteuse Roya Arab et le rappeur Roscoe Jones. C'est un mélange entre le trip-hop très sombre, trip-hop de Bristol, dans la même lignée que le premier album du groupe Massive Attack et du rap. Londonium est devenu aujourd'hui un incontournable en matière de trip-hop. Le chant rap sur une musique expérimentale lui donne une sonorité particulière. À la suite de problèmes relationnels, le groupe se sépare de ses voix et recrute une nouvelle chanteuse, Suzanne Wonder, pour l'album Take Me Head, sorti en 1999 chez... signé chez Small, label de Sony Music, aujourd'hui Sony BMG Music. Cet album est beaucoup plus mélodique et aérien, plus dans la veine trip-pop, entre pop et trip-hop bien entendu. Beaucoup de ses fans du premier album déplorent le changement de style, mais beaucoup le préfèrent. En 2001, et après avoir signé chez Warner Music, le groupe s'éloigne du trip-hop et en remerciant Suzanne Wonder et en intégrant un troisième chanteur, Craig Walker, précédemment chanteur du groupe punk irlandais Power of Dream. Avec son arrivée, le son change radicalement en faveur du rock psychédélique ou progressif. Plus sombre, la collaboration dure un temps et plusieurs albums voient le jour. You All Look The Same To Me, en mars 2002, Noise en mars 2004 et Unplugged en novembre 2004. Une reprise de leur dernier morceau en acoustique ainsi que la bande originale pour le film Michel Vaillant de Luc Besson, sorti en novembre 2003. Greg Walker a quitté le groupe en novembre 2004, quelques jours avant la sortie d'Unplugged. À la suite du départ soudain de Walker, le groupe recherche un renouveau. On va s'écouter un autre extrait musical, on va s'écouter You Make Me Feel, et on se retrouve tout de suite après pour continuer cette fameuse historique sur Archive. Bien entendu, c'est le live Archive Backstage, et donc live enregistré au Zénith. Vous écoutez Backstage. Like no other. Extrait de l'album Live at the Zenith de Archive. Alors, on poursuit cette fameuse histoire sur ce groupe. En 2006, le single System de l'album Light sort avec un nouveau chanteur, David Penney, et est un ami du groupe déjà présent sur la précédente tournée. Polar Berrier du collectif autrichien Bockland et Maria Q également présente sur la précédente tournée. Le genre musical devient dès lors beaucoup plus progressif, délaissant l'électro trip hop des premiers albums. En mars 2009, le groupe sort son 8e album studio, Controlling Crow. Il marque le retour du rappeur Roscoe John, ancien chanteur du groupe, sur l'Odonium. En octobre, la suite de Controlling Crow est diffusée sous le titre Controlling Crow Partie 4 et révèle des titres enregistrés en studio mais non produits en mars 2009. En juillet 2010, le groupe annonce vouloir produire lui-même un DVD live financé par les fans eux-mêmes. Fin 2010, Darius Keillor et Danny Griffith réalisent 3 titres de l'album Bleu Noir de l'artiste française Mylène Farmer, Light Me Up, Leila et Diabolique, Mon Ange. Darius a composé les musiques de celle-ci. Steve Harris, Smiley et Jonathan Noyce ont participé à leur enregistrement, ce qui fait que les sonorités collent à l'univers d'Archive. Après une première expérience en septembre 2007, où Archive avait effectué un concert unique à Cannes avec l'orchestre régional, le groupe s'est lancé en 2011 dans une série de spectacles orchestraux à travers toute l'Europe. On continue cette programmation musicale et je terminerai après avec l'historique de ce groupe qui est extraordinaire. On va s'écouter Fuck You, 6e plage musicale de cet album, vraiment extraordinaire. Donc je vous le dis, Archive, allez les voir, ça vaut le détour. Backstage, les coulisses du son. There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum, and I hope that you know that the cracks in your smile are beginning to show. Now the world needs to see that it's time you should go. There's no light in your eyes and your brain is too slow. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. Bet you sleep like a child with your thumb in your mouth. I could creep on the side, put a gun in your mouth. Makes me sick when I hear all the shit that you say. So much crap coming out, it must take you all day. There's a space kept in hell with your name on a sea, with a spike in a chair just to make it complete. When you look at yourself, see what I see. If you do, why the fuck are you looking at me? Why the fuck are you looking at me? Why the fuck are you looking at me? Voilà, donc c'est l'extrait Fuck You, donc de l'album Archive Live, enregistré au Zénith. Alors, en novembre 2011, le groupe met en ligne un nouveau site officiel et annonce un prochain retour en studio pour l'enregistrement de leur 9e album With Use Until You Dead, prévu pour le 29 août 2012. Le clip Violently, premier single de leur 9e album studio, est dévoilé par le biais de leur site en mai. C'est une nouvelle chanteuse, Holly Martin, qui assure l'ensemble des parties vocales. Ses premiers extraits font état d'un style davantage orienté vers le rock. La tournée d'hiver 2012 voit le groupe se produire 2 soirs consécutifs au Zénith de Paris le 16 et le 17 novembre 2012. Roscoe John ne fait pas partie du dernier album, With Until You're Dead, que Darius, Killer et Danny Griffith souhaitent plus personnel et empreint d'amour. Le thème de cet album ne laisse pas vraiment de place à l'inspiration de John Roscoe, qui fait toujours partie du collectif et fera très certainement partie du prochain album à sortir. L'intégration de la nouvelle chanteuse permet au groupe de nouveaux arrangements de certaines de ses succès tels que You Make Me Feel, le titre qu'on vient de s'écouter à l'instant. Il y a deux chansons. Interprété en duo, faisant la part belle aux harmonies entre les deux choristes. Pour 2014, le collectif annonce 2 sorties. Le 12 mai 2014, apparu Axiom en guise du prochain album. Un court-métrage du même nom porté par Archive et le collectif espagnol NYSU, Nissu. Le groupe était présent au London Sundance Festival du film le 25 avril 2014 pour une avant-première du court-métrage. De plus, une date au Roadhouse de Londres a été programmée pour le 29 mai 2014 où le groupe interprétera l'intégralité de l'album Axiom en diffusant le court-métrage simultanément 40 minutes. Restriction paraît en janvier 2015, dont la continuité des 2 précédentes publications du collectif. Il conserve les mêmes chanteurs, mais le guitariste Steve Harris est absent de cet opus. Le 4 décembre 2015 paraît une Restricted, qui n'est autre que l'album Restriction, remixé par différents artistes. Les titres ont été proposés à l'écoute durant les 2 mois précédents de la sortie. Maintenant, ce qu'il en est de Archive, tout simplement, c'est qu'il y a un nouvel album qui est sorti depuis peu. Quand je dis depuis peu, c'est depuis le 7 octobre de cette année, et l'album s'appelle The False Foundation. Voilà, ça c'est pour l'historique de l'album. On va s'écouter un autre titre que j'affectionne aussi, qui s'appelle Pulse, bien entendu d'Archive. En couleur, en concert, sur RQC. Voilà, donc c'était le titre Pulse. Il est bientôt l'heure de se quitter. Je dis ça pourquoi ? Parce que le prochain titre qui va être assez long pour se terminer avec le live de Archive. Et donc les membres du groupe, c'est Darius Killer au clavier, Danny Griffith au clavier effet simple et à la basse, Dave Payne, guitare chant depuis 2004, Polar Berrier au chant et à la guitare, Maria Q au chant cœur depuis 2001 et Holly Martin au chant aussi. Donc voilà, si vous voulez vous procurer cet album qui est magnifique, et ben c'est Archive Live at the Zenith. Il est sorti chez Warner depuis 2007. C'est une véritable bombe, une véritable tuerie. Et nous, on se quitte avec le titre Again. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission backstage et vous aurez la surprise de ce qu'on fera en backstage. Voilà. Ciao les amis, on se quitte avec Again, un morceau très long mais très bon. Voilà. Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Tearing me apart, crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, if I walk away from you. And leave my love. Could I laugh again? We'll be right back. crushing me inside. Again, we'll get to know.